20, 35, observation. Passé composé et pronom. Présent. Mireille apprend l'italien. Elle l'apprend. Passé composé. Elle a appris l'anglais. Elle l'a appris. Présent. Le garçon parle à Robert et Mireille. Il leur parle. Passé composé. Il a parlé à Robert et Mireille. Il leur a parlé. Présent. Oh, j'ai assez de tout ça. J'en ai assez. Passé composé. J'ai eu assez de tout ça. J'en ai eu assez. Au présent, et à tous les temps simples, les pronoms personnels objets, et aussi en et i, sont placés devant le verbe. Au passé composé, et à tous les temps composés, les pronoms personnels objets, et aussi en et i, sont placés devant l'auxiliaire.